Voilà pour les grands titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, je venais de vous le dire. Certains journalistes burundais saluent le pas déjà franchi en matière de liberté de la presse, vu l'histoire du monde médiatique. Ceux qui se sont exprimés sur nos ondes déplorent néanmoins qu'il y ait encore une rétention de l'information et que parfois ils travaillent dans la peur au regard de ce qui s'est passé en 2015. Ils demandent que leur sécurité soit toujours garantie par l'autorité compétente. Suivez le micro-baladeur de la rédaction Isanganiro. La liberté de la presse au Burundi, je ne dis pas qu'elle est très précaire, mais je pense quand même qu'il y a eu des problèmes à partir de l'an 2015. Même sans parler seulement du Burundi, je pense que même dans le monde, il y a pas mal de problèmes. Les journalistes les rencontrent. À notre époque, je pense que le métier du journaliste devient de plus en plus difficile à faire. Mais toutefois, je pense que avec plus de déontologie, c'est à nous les journalistes, moi je me dis, de la défendre en faisant bien notre travail et en continuant juste à vouloir informer et les uns et les autres. De mon humble avis, je vois que la liberté de la presse est un processus au quotidien. Oui, il est vrai, nous sommes des journalistes et nous savons ce qui s'est passé il y a 2 ans. Aujourd'hui, quand on travaille, quand on est sur terrain, on peut croire que ça peut tourner autrement. Mais ce que nous demandons, c'est que cette liberté de la presse soit une garantie pour tout journaliste, pour qu'il se sente à l'aise sur terrain et pour qu'il ne se sente pas menacé. La liberté de la presse ici au Burundi est satisfaisante, mais il y a quelques lacunes. Côté qu'il y a quelques lacunes, c'est quand on a besoin d'une information provenant d'une autorité administrative, autorité du gouvernement. J'aimerais que les autorités du gouvernement puissent faire des efforts pour donner des informations aux journalistes. Tu peux aller chercher une interview ou bien tu veux équilibrer ton information. Tu demandes aux autorités de s'exprimer là-dessus et voilà, ils te disent non, je ne peux pas s'exprimer pour ça. Et ils oublient que notre travail, c'est pour servir, nous travaillons pour la population. La liberté de la presse, ce n'est pas quelque chose qu'on se sert sur une assiette dorée. Je dis que si on fait un regard rétrospectif, on retourne vers l'année 2015 où il y a eu un incident. On revient aujourd'hui à 2018, on voit qu'il y a une certaine amélioration, à l'accès à l'information chez les grandes autorités du pays. Mais au niveau des provinces, là où on cherche des informations sur le terrain, il y a toujours ce préjugé que nous, les journalistes, nous sommes les ennemis. Moi, je demanderais que ces autorités supérieures de la nation puissent sensibiliser ces autorités à la base qui sont dans leur hiérarchie, savoir que nous ne sommes pas les ennemis de la nation. Nous cherchons des informations qui serviront au développement durable du pays. Voilà, c'était les avis de certains de nos confrères sur l'état de la liberté de la presse au Burundi. Et le ministère de la Communication et des Médias dit que la liberté de la presse au Burundi est une réalité, selon Jérôme Ndikuriyo, directeur général de la communication et porte-parole de ce ministère. Il l'a dit ce jeudi, au moment où le monde célèbre ce 3 mai, la journée dédiée à la liberté de la presse. Pour lui, le classement du Burundi à la 159e place sur 180 pays dans le récent rapport de Reporters sans frontières a été fait sans que les institutions du Burundi soient consultées. Suivez-le. Par rapport à l'exercice du métier, je n'ai jamais été trop dans ces moments entendu un de vos collègues connaît des difficultés par rapport à l'exercice de son métier. Cela prouve que cette liberté existe dans ces moments-ci. Nous sommes satisfaits par rapport à l'exercice du métier au Burundi, non pas satisfaits par rapport au classement. Ce classement qui ne demande pas l'avis de journalistes, des responsables des médias, mais aussi des autorités gouvernementales. Je peux la comparer à un classement qui classe des joueurs qui n'ont jamais fait le jeu. Si je n'ai jamais été approché, si le CNC n'a jamais été approché sur l'exercice du métier ou sur la liberté de la presse, si vous êtes satisfait, nous sommes aussi satisfaits. Si vous n'êtes pas satisfait, nous ne sommes pas satisfaits. Donc notre comparaison se fait par rapport aux communicateurs entre les journalistes et les pouvoirs publics par rapport à l'accès à l'information. C'est ça notre préoccupation. Cela se manifeste par autant d'ateliers, autant de séminaires que nous faisons avec les responsables des médias, avec les journalistes et vous-même, pour voir ensemble qu'est-ce qu'il faut pour améliorer, qu'est-ce qu'il faut pour assainir le climat entre les journalistes et les pouvoirs publics. Voilà notre préoccupation. On n'est pas préoccupé par le classement mondial. C'était le directeur général de la communication et porte-parole du ministère de la communication, Jérôme Ndikouriyo, dont les propos ont été recueillis par Charles Makoto. Et puisqu'on parle droit, l'ex-administrateur communal de Mouroutan, province Kayanza, a été arrêté ce jeudi matin par le service national de renseignement à Kayanza alors qu'il arrivait à son service à l'antenne Rwegura de l'office du thé du Burundi. Jean Donatien Kabaka aurait été arrêté pour détention illégale d'armes à feu, d'après des sources policières. Une audience publique sur ce dossier de flagrance est prévue ce jeudi au tribunal de grande instance de Kayanza. Il est 13h03 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Politique à présent, certains habitants de la province Gitega se disent satisfaits du déroulement de la campagne électorale lancée ce mercredi. Leur souhait est que personne ne soit inquiété de sa position par rapport à la Constitution. Ils saluent d'ailleurs l'appel du président de la République qui veut que les libertés d'opinion politique de chacun soient respectées. À Gitega, seuls deux partis politiques et une coalition ont déjà informé qu'ils vont y battre campagne. Nous appelons notre envoyé spécial, Oban Yonguru. C'est un des habitants de la ville de Gitega qui demande que l'appel au respect mutuel lancé par le président de la République soit suivi pour qu'il n'y ait pas de violence. Je demande fermement à tout citoyen burundais de prendre à cœur l'appel lancé par le président de la République et que si c'est pour la propagande du oui ou du non, que personne ne mette en avant la violence. Un autre habitant de cette localité demande aux politiciens de diffuser des messages qui rassemblent. Pour moi, je vois que la dignité humaine est respectée, car aucun parti ne dit pas être violé par un autre, mais nous leur demandons de diffuser des messages qui rassemblent dans la paix et éviter d'envoyer des gens à s'entretuer car nous ne sommes pas dans une même formation politique. Le président de la République, quant à lui, appelle les politiciens à mettre en avant l'intérêt des Burundais. Vous devez toujours être garant et défendeur des intérêts de la population, le bien-être de tous les citoyens burundais, car ce dans quoi nous nous sommes engagés, c'est pour garantir le bien-être de toute la population burundaise. Dans la province de Gitega, en plus du CNDD-FDD qui s'est fait enregistrer pour battre campagne, il y a la coalition Amizero Yabarundi et le parti Uprona. Depuis Gitega, Oban Nyunguru, Radio Isanganiro. Merci Aubin. Cap maintenant sur Ngozi où le parti prône bas campagne au site des déplacés de Ruhororo. L'un des messages entonnés dans des champs d'animation, c'est que les habitants du site ont besoin des autorités et des institutions qui respectent et protègent les droits de l'homme. La rédaction vient de joindre notre envoyé spécial Ngozi, Joseph Sabiyabandi. Il est au téléphone avec Moïse Misago. Je me tiens au site de Ruhororo, c'est dans la commune de Ruhororo, c'est dans la province de Ngozi, où se tient pour le moment le meeting référendaire où les Ipronistes se sont rassemblés pour justement écouter le message du jour qui concerne la position du parti Iprona par rapport à la nouvelle constitution qui sera votée le 17 mai courant. Je vous dirais que l'orateur du jour, c'est le président du parti Abel Gachati qu'on attend depuis Bujumbura. En attendant, il y a des groupes d'animation qui sont en train de donner des messages à l'endroit des personnalités qui sont déjà en place. Quel est le message que contient ces danses et chants? Je vous dirais qu'il y a différents groupes d'animation, mais il y a un seul qui s'est déjà remarqué. C'est un groupe qui donne un message à l'endroit justement des personnalités qui sont déjà arrivées. Dans son message, ce groupe dit que les habitants du site de Ruhororo ont besoin d'un Burundi et des Burundais qui respectent les droits de l'homme. Ils ont appelé le président de la République, le président du parti, les différents gouverneurs des provinces, les différents administrateurs des communes, mais également l'appareil judiciaire, à respecter et à défendre les droits de l'homme. Quelle est la catégorie des gens qui est venue assister à ces meetings? Je vous dirais que pour le moment, c'est quelques centaines de personnes venues assister justement au message qui va être délivré par le président du parti Prona. C'est en grande partie composé par des femmes et quelques hommes. Et voilà, en quelques mots, le décor d'ici au site de Ruhororo, où d'ici peu, le message va être délivré par le président du parti Iprona, qui arrive incessamment. Merci Joseph Nsabiyabandi. Je précise que ce site de Ruhororo est occupé par des déplacés de guerre. C'est dans la province de Ngozi. Le parti Sahwanya Frodebou appelle ses partisans à voter non au prochain scrutin référendaire. Dans une conférence de presse ce jeudi 3 mai, le vice-président de ce parti a déclaré que son parti acceptera le verdict des urnes. Suivez le vice-président du parti Sahwanya Frodebou, Léonce Ngendakoumane. Nous en appelons à tous les militants du parti Sahwanya Frodebou partout où ils se trouvent, au peuple burundais dans toute sa diversité, à voter non au projet de la nouvelle constitution le 17 mai 2018. Et voter non signifie pour le parti Sahwanya Frodebou garder l'accord d'Arusha et la constitution qui en est issue comme fondement de la démocratie et de la bonne gouvernance, comme fondement de l'unité et de la cohésion du peuple burundais. L'honorable Léonce Ngendakoumane, le combat que vous menez, c'est un combat très difficile. Si le oui gagne dans ce secrétaire, quelle sera la position du parti Sahwanya Frodebou? C'est possible, quand vous vous lancez dans des élections, vous pouvez gagner ou perdre. L'important est que ces élections soient bien préparées, soient bien organisées conformément aux normes internationales des élections. Et quand vous perdez dans ces conditions, vous acceptez le verdict des urnes. Le combat que nous menons pour bâtir un état de droit dans ce pays, pour bâtir un état démocratique, pour bâtir une société juste et équitable au Burundi, c'est un combat de longue date. Celui qui compte uniquement sur le référendum ou sur les élections de 2020, il va se fatiguer, je vous assure. Léonce Ngendakoumane, c'est le vice-président du parti Sahwanya Frodebou. Il répondait aux questions de Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. Et le ministère de l'Intérieur rejette en bloc le communiqué des États-Unis disant que la révision constitutionnelle au Burundi se passe dans le flou. Terence Nairaja, porte-parole et assistant au ministère de l'Intérieur, ni également les violences et intimidations à l'endroit des opposants, d'autant plus que, dit-il, ils sont en train de battre campagne comme les autres. Il ajoute que le projet de constitution ne supprime pas la limitation des mandats présidentiels. Je propose de l'écouter. Il a été joint au téléphone par Elinibel Nibigira. Au niveau du ministère de l'Intérieur et de la formation patriotique, j'aimerais porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que ce qui se dit dans ce communiqué est faux et archi faux. Les personnes antidémocrates qui ont fait des affirmations ont menti, quoi. Parce que justement, quand ils disent que justement les amendements de la Constitution sont flous, ce n'est pas du tout vrai, c'est plutôt clair. Ce sont des amendements qui viennent plutôt enlever le flou qui était dans l'actuelle Constitution république du Burundi. Ça, c'est la première chose. Et puis, ça est venu éclaircir. Et puis, deuxièmement, c'est le résultat du dialogue inter-Burundi qui s'est déroulé sur tout le territoire national. C'est vraiment clair, c'est pour mettre en application la demande de la population. Et ils osent également, dans leur communiqué, dire que justement, le gouvernement burundais serait en train d'automatiser, bien entendu, les opposants. Ce n'est pas vrai. Vous savez que les partis politiques sont gérés au niveau du ministère de l'Intérieur. Chaque responsable politique a le droit de faire son travail quotidiennement, de faire ses rencontres conformément à la loi. Par ailleurs, il y a une loi qui régit les réunions et qui, dès qu'il commence à se faire, toutes les procédures. S'il n'y a pas donc deux opposants qui sont en train d'être traumatisés ici au Burundi, en témoigne d'ailleurs hier l'exemple de Mabra Gatogwasa qui a tenu sa meeting de voter Oya, imaginez-vous, en Ngozi, et personne ne l'a empêché, c'est la démocratie. Donc vous niez qu'aucun membre de l'opposition n'est victime de violences et d'intimidation sur le sol burundais? En aucun cas, ça c'est le mensonge. Toutefois, ici j'aimerais vous dire qu'on n'est pas dans le royaume des cieux. Et en fait, c'est existe au Burundi, personne n'est vraiment traumatisé ou emprisonné, car c'est tellement comme ça. Terence Nairaja, c'est le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Une nouvelle brève avant d'entamer la rubrique internationale de ce journal. analyser la carence de certains médicaments, en l'occurrence les antibiotiques, la réglementation pharmaceutique au Burundi face à l'intégration régionale ainsi que la conservation des, la destruction pardon, des médicaments périmés. Voilà les défis qui occupent les pharmaciens du secteur public et privé. Ils se réunissent en atelier d'échange ce mercredi, un atelier organisé par l'Ordre national des pharmaciens du Burundi. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez à Kinshasa et partout ailleurs dans le monde. Alors que la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, vient discuter de l'opportunité d'ouvrir de nouvelles enquêtes au Congo en complémentarité avec les enquêtes congolaises, où en sont les enquêtes sur les dizaines de fosses communes documentées par les Nations Unies l'an dernier dans les provinces du Kasaï, l'ONU avait évoqué jusqu'à 89 sites potentiels dont les coordonnées avaient été transmises à la justice militaire congolaise. Depuis, une équipe d'enquêteurs du Haut-Commissariat des Nations Unies droits de l'homme avait été nommé pour aider à la sécurisation des preuves et des témoignages. Mais la coopération entre l'ONU et les autorités congolaises ne semble jusqu'ici pas avoir porté ses fruits. Aucune fosse commune n'a été jusqu'ici exhumée, excepté dans le cadre de l'enquête sur la mort des experts de l'ONU, Michael Sharp et Zaïda Catalan. Selon une source officielle congolaise, ce serait de la faute à l'ONU qui avait promis d'envoyer des experts légistes, la RDC ne disposant pas de toutes les compétences techniques nécessaires. Un expert a été mis à disposition le mois dernier, comme le confirme une source onusienne. Et cette source dit aujourd'hui espérer que des missions conjointes d'enquête pourraient commencer dans les prochaines semaines. Et 86 personnes mortes dans une attaque au Nigeria ont été enterrées entre mardi et mercredi, selon le témoignage d'un employé du cimetière sous couvert d'anonymat. Le porte-parole local de l'Agence nationale de gestion des urgences affirme de son côté que ce double attentat attribué au groupe djihadiste nigérien Boko Haram a fait 30 morts. Interrogé sur la disparité entre les chiffres officiels et les déclarations des témoins sur place, le ministre local de l'information a reconnu qu'il était possible que des proches des victimes aient emmené les corps directement pour être enterrés sans passer par l'hôpital où ils ont procédé au comptage. Dans la tradition musulmane, les corps des victimes doivent être rapidement enterrés, ce qui complique le comptage dans une région très difficile d'accès. Mardi à 13h30, heure locale, un kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée de Moubi dans l'état d'Adamawa, puis en second dans un marché qui se trouve à proximité. Il est 13h15 à Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Toussaint Mitewotsi qui l'a mis en onde. Au micro Jean Bosco, Ndouimana. Passez une très bonne journée.